Je me suis souvent demandé combien d'hommes ont peuplé la Terre depuis le début de notre espèce. Le calcul reste imprécis, mais des scientifiques aventureux s'y sont essayés. Sachant que les Homo sapiens déambulent sur la planète depuis environ 200 000 ans, les estimations convergent vers un chiffre qui dépasse 100 milliards d'individus. Imaginez maintenant tous ces visages. Combien de ces personnes serait-on capable d'identifier? À combien d'entre elles pourrait-on simplement donner un nom? À nouveau, une réponse existe. Moins de 10%. Quand l'homme est rentré dans l'histoire, il n'a pas directement pensé à inscrire tout le monde dans un répertoire géant. Plus de 90% de notre humanité est donc vouée à l'oubli. Eh bien, de façon surprenante, il existe une organisation sur Terre qui cherche à arrêter cette fuite de mémoire. Elle veut cautériser la plaie et, si possible, rattraper le passé. Une organisation très particulière qui ne dépend ni de l'ONU, ni même d'un État. Pourtant, ce groupe déploie des moyens énormes, dignes d'un pays, pour reconstruire un annuaire de l'humanité. Au cours de cette série, nous allons tenter de comprendre cette entité, de bien la connaître tout en analysant ses réelles motivations. Sa réelle motivation, pourrait-on dire. Car il s'agit d'une église dont le but ultime est évidemment spirituel.